Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal du 22 février dont voici les grandes articulations. Le président de l'action de lutte contre la malaria à Luma, l'ambassadeur Albert Mboneramne, appelle le gouvernement burundais à adopter la politique de pulvérisation intradomiciliaire en plus des moustiquaires pour faire face à la flambée des cas de paludisme. 106 cas de décès ont été enregistrés depuis janvier de cette année. À note l'ambassadeur que vous suivrez tout au début de ce journal. 22 juillet 2016 et 22 février 2017, 215 jours viennent de s'écouler sans nouvelles de notre confrère Jean Wigirimana. Et les commerçants de la province Gitega sont appelés à s'impliquer dans la commercialisation et la distribution des semences sélectionnées de l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, ISABU. Le reportage de ce mercredi nous parle du commerce des termites qui se fait saisonnièrement dans la région naturelle de la Kumoso. C'est en province de Ruyigi. Vous aurez les détails dans ce journal mis en nom de par Emetusa Mitebutsi. À la présentation, Mireille Kanyange. Bienvenue. La radio de l'avenir. Bonjour, page santé pour débuter ce journal. Plus de 100 cas de décès de la malaria ont été enregistrés en ces 6 dernières semaines de l'année en cours. Selon l'ambassadeur Albert Mboneramne, au nom de l'action de lutte contre la malaria à Luma, les causes sont multiples. Le gouvernement devrait adopter la politique de pulvérisation intradomiciliaire, en plus des moustiquaires pour faire face à cette maladie, qui tend à prendre une allure inquiétante. Suivez l'ambassadeur Albert Mboneramne, président de la Luma. Quand nous voyons les patients qui visitent le centre anti-malaria Saint-François d'Assise, le nombre de patients qui visitent le centre, et quand je vois aussi le taux des personnes qui sont malades de la malaria, ça fait trembler. Des fois, nous utilisons des mots flambés, d'autres disent épidémie, mais ce que moi je constate, c'est qu'il y a une crise de santé, il y a une alarme, il faudrait se lever pour dire pourquoi cette situation. Moi, les chiffres que j'ai, c'est les statistiques fournies par un département du ministère de la Santé publique. Du 1er janvier 2016 au 15 octobre 2016, il y a eu 2897 cas de décès liés au paludisme. Et quand je vois les 6 premières semaines de l'année 2017, donc le mois de janvier et les 2 premières semaines de février, on nous dit qu'il y a eu 106 personnes déjà décédées à cause de la malaria. Vous voyez que c'est vraiment outrageant. Le nombre de patients qui visitent les centres et les hôpitaux à travers tout le pays, c'est surprenant. Déjà en 2016, on disait que plus de 7 millions avaient le paludisme, dont les quelques 3 000 et quelques qui ont décédé. Mais n'oublions pas qu'il y a des gens qui meurent à la maison parce que, soit par ignorance, ils n'ont pas de moyens et au lieu d'aller au centre de santé, à l'hôpital, ils vont chez les féticheurs qui leur disent c'est l'empoisonnement, etc. C'est vrai, il faut utiliser les moustiquaires pour contrecarrer l'action des moustiques qui entrent dans nos maisons. Mais que faire à l'extérieur? C'est justement la pulvérisation intradomiciliaire. Ici au Burundi, quand nous disons cela, on nous dit ça coûte cher. Mais aussi, quand je vois le coût des moustiquaires, c'est aussi énorme. Peut-être que la population ne connaît pas le coût parce que c'est une distribution, je dirais, gratuite, mais ça coûte cher. Alors là, en combinant les deux, l'utilisation des moustiquaires imprégnés et la pulvérisation intradomiciliaire, d'abord, on bloque les moustiques qui entrent dans les maisons et puis on diminue le nombre de moustiques qui continuent à proliférer à l'extérieur. L'autre chose qui est liée justement à la pulvérisation, c'est l'assainissement du milieu environnant. Et il faudrait que les Burundais comprennent que si nous laissons les eaux stagner, c'est-à-dire que nous créons des abris pour les moustiques, là ils vont se multiplier facilement. Et concernant les médicaments pour le traitement de cette maladie, le gouvernement burundais devrait faire une évaluation de l'efficacité de la molécule artésunate modiakine. L'ambassadeur Albert Mboneramne explique que selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, cette évaluation devrait avoir lieu après une période de 2 ans, mais au Burundi et date de 2008. Suivez encore une fois l'ambassadeur Albert Mboneramne. quand vous avez la malaria simple et pas trop grave, on ne traite pas la molécule artésinate amodiaquine. Au niveau de l'artésinate amodiaquine, il faudrait s'assurer que cette molécule est encore efficace. Pourquoi? Parce que quand ça a commencé au Burundi en 2005, l'OMS avait donné des directives selon lesquelles tous les 2 ans, il fallait faire une étude d'évaluation pour voir si le médicament, si la molécule est encore efficace. À ma connaissance, la dernière évaluation s'est faite en 2008. Et quand on faisait des rencontres, posait la question, on nous disait que en 2016, cette évaluation allait se réaliser. Maintenant, je dois avouer que je n'ai pas les informations là-dessus, mais il faudrait s'assurer que réellement cette molécule est encore efficace. Il y a des pays comme le Cambodge où on a connu beaucoup de résistance. Ils ont été obligés de voir comment faire face à la flambée de la malaria. Selon les chiffres et des cas de décès que vous venez de nous dire, donc il est temps que le pays se lève pour lutter contre la malaria. Il est grand temps. Quand je vois au Burundi les chiffres donnés par le ministère de la Santé, même si on se limitait à cela sans aller sur le rapport de l'OMS, si on ne détecte pas les causes qui font qu'il y ait cette flambée de la malaria, on va continuer à se taire et les gens vont continuer à mourir. Il faudrait que ce soit une des priorités parce qu'une personne qui meurt, c'est une perte pour le pays. L'ambassadeur Albert Mboneranye, c'est le président de l'action de lutte contre la malaria à Lumaï. Pour rappel, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé récemment rendu public, plus de 3700 cas de décès ont été enregistrés durant la seule année de 2016. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Page sécurité à 13h03 dans les studios de la radio Isanganiro ce 22 février. 215 jours viennent de s'écouler sans nouvelles de notre confrère Jean-Louis Guilimana qui travaille au journal Iwachu et pour Info Grand Lac. Il a disparu depuis le 22 juillet dernier en zone Bugarama de la province Muramvya. Des enquêtes ont été menées et ont permis de repêcher 2 corps dans la rivière Mubarazi, mais celui de notre confrère Jean-Louis Guilimana n'a pas été identifié par sa famille. Seuls 10% des habitants du site de Kagaragara en province Bubanza sont originaires de la commune Gihanga, raison pour laquelle les autres doivent retourner chez eux. Les précisions sont du gouverneur de Bubanza après que ses habitants aient été refoulés de ce site situé dans la réserve naturelle de la Rukoko. Tarsis Niongabori affirme que ses anciens occupants du site de Kagaragara doivent regagner leur zone et province d'origine. Il ajoute que c'est une question qui a été étudiée minutieusement. On l'écoute. La situation de cette population de Kagaragara est une question qui a été étudiée minutieusement par les instances habilitées concernées. Je vous dirais que après qu'ils ont été expulsés vers le 23, le 22 décembre de l'année passée, l'ombudsman est intervenu pour que cette population puisse retourner au Bekaï afin de bien fêter les fêtes de fin d'année, de début d'année. Après alors, l'État a dépêché 3 ministres. Nous avons tenu une réunion alors au début de ce mois où nous nous sommes convenus que de donner un délai d'un mois à cette population pour quitter le lieu. Après, au niveau provincial, nous sommes rendus sur le terrain en tant que cadrologie pour nous enquérir de la situation réelle sur le terrain. Et nous avons mené une investigation approfondie et nous avons trouvé que plus de 80% de cette population était locataire. Ils n'avaient pas donc de domicile pour eux. Nous avons trouvé que près de 10% de cette population était de la commune Gihanga. D'où alors, la décision que nous avons prise était de les demander de retourner chez eux. Lorsque la question a été soulevée, il y a l'ombudsman burundais qui s'est rendu sur place. Il y avait une sorte d'entente que ces habitants de Kagaragara ne devraient pas retourner dans leur champ. Peut-on dire que ces habitants de Kagaragara qui n'ont pas respecté, qui n'ont pas suivi cette entente? Non, il n'y avait pas d'entente ou de décision de ne pas retourner dans leur champ, non. Mais plutôt, même les décisions que nous avons prises concernaient les habitations qui étaient dans le parc naturel de la Rusizi. Sinon, les champs de riz est en dehors de la réserve naturelle de la Rukoko et ils ont toujours droit et accès à ces champs, ceux qui avaient ces champs de riz jusqu'aujourd'hui. Tarsis Niyongabo, c'est le gouverneur de la province Bubanza. Certains vendeurs ambulants en mairie de Bujumbura se lamentent que lorsqu'ils se rendent dans les communes, au chef-lieu des communes, pour se faire enregistrer comme vendeurs ambulants, on leur dit d'attendre. Ces vendeurs disent qu'ils sont tout le temps arrêtés par des hommes qui disent être des policiers, alors qu'ils sont en tenue civile. Et parfois, ces gens confisquent les marchandises de ces vendeurs ambulants. Mais la police fait savoir que ces gens en tenue civile sont connus de la police. Les détails avec Christella Nizigam. Ces vendeurs ambulants font savoir que s'ils se rendent dans les bureaux de la commune pour se faire enregistrer, on leur dit d'attendre, pas de réponse précise. Nous avons un problème sérieux, nous vendeurs ambulants. Nos ministres en charge du commerce nous a dit d'aller se faire inscrire au niveau des communes, mais lorsqu'on s'y rend, on nous dit d'attendre ou de revenir. De façon générale, il n'y a pas de réponse à cette question. Ces vendeurs disent que les gens en tenue civile qui se disent être des policiers leur confisquent les marchandises. Ils peuvent contribuer à développer le pays en payant les taxes, tout en sachant que cet argent va au compte de l'État. Pour contribuer au développement de notre pays, nous pouvons payer les taxes, mais tout en sachant que cet argent va dans le compte de l'État. Maintenant, il y a des gens en tenue civile qui se disent être des policiers qui prennent nos marchandises. Parfois, ils confisquent nos marchandises les plus chères. Ils vont à leur tour les vendre au marché. Nous demandons au ministre de résoudre cette question parce que nous voulons voir ces papiers qui nous identifient comme marchands ambulants. Il peut se concerter avec les autorités policières parce que les policiers nous demandent toujours ces papiers dans la rue. La police affirme que ces gens en tenue civile sont connus même s'ils ne sont pas en tenue policière, mais fait savoir que s'ils abusent en confisquant les marchandises, les vendeurs doivent le faire savoir à la police. Toujours en page commerce à 13h09 dans les studios de la radio Isanganiro. Les commerçants de la province Gitega sont appelés à s'impliquer dans la commercialisation et la distribution des semences sélectionnées de l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, Isabou. L'appel est du directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage dans cette province qui fait savoir que les agriculteurs manquent de ces semences, ce qui explique en partie les mauvaises récoltes, nous rapporte Arthur Kavala. Selon le directeur de la DPAI Gitega, Rura Kengereza Victor, la province de Gitega ne possède que deux maisons de distribution de semences venues de l'Isabou et ces maisons sont implantées dans la ville de Gitega. Cette situation ne facilite pas du tout la tâche aux cultivateurs des communes de la province de Gitega, selon toujours ce directeur. Il fait savoir que le manque de ces maisons veut que même la récolte soit affectée négativement, étant donné que les cultivateurs plantent des semences qui ne sont pas bien étudiées et que cela entraîne la hausse des prix des denrées alimentaires au marché. Il demande alors aux commerçants de la province de Gitega de faire le commerce des semences sélectionnées afin de les faire parvenir à un plus grand nombre de cultivateurs dans toutes les communes de la province de Gitega. Ce directeur souligne que pour ceux qui le désirent, ils n'ont qu'à passer au bureau de la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage à Gitega pour plus d'informations. Certains commerçants contactés à ce sujet vont savoir qu'ils voudraient bien faire ce commerce, mais qu'ils manquent du capital vu la situation économique que connaît le pays. Cela étant, certains cultivateurs indiquent que même durant cette saison culturelle, ils ont utilisé des semences non sélectionnées et qu'ils ont perdu tout espoir d'avoir une bonne récolte. Benama Nirambona est le gouverneur de la province de Gitega. Il indique que c'est une question à ne pas prendre à la légère et qu'il va bientôt rencontrer des commerçants pour leur importance de faire ce commerce en association afin que les charges soient partagées. Le gouverneur de la province de Gitega dit cela au moment où la province de Gitega vient de lancer une campagne contre la famine et la pauvreté. Depuis Gitega, Arthur Kavabushi pour la radio Isanganiro. Isanganiro. À 13h11, poursuivons ce journal. Ce 22 février, les scouts du Burundi se joignent à ceux du monde entier pour célébrer le 160e anniversaire de Baden Paul, fondateur du mouvement. Le commissaire général de l'association des scouts du Burundi indique qu'il se base toujours sur le dernier message du fondateur qui les appelle à essayer de quitter la terre en l'ayant rendu meilleur qu'ils ne l'ont trouvé. Magnus Maronda trouve que le Burundi a besoin d'une paix durable d'où tous les scouts doivent se montrer bons patriotes et œuvrer pour un développement du pays. Suivez-le. Baden-Powell nous avait dit, tâchez de quitter cette terre en ayant le meilleur qu'on a trouvé. Ça va de pair avec le thème de l'année. Pour cette année, on a choisi comme thème scoutisme, clé de formation et d'épanouissement des jeunes pour une paix durable. Nous voyons que dans notre pays, on a besoin d'une paix durable et alors on a centré notre réflexion, on a centré notre thème autour du thème de la paix. En faisant ces bonnes actions, le scoutisme est fait pour sauver et servir son prochain. L'amour du prochain, c'est la base de la paix. En plus de cela, la date tombe bien parce qu'il y a une activité, il y a un projet qu'on est en train d'exécuter dans les quartiers du nord de la capitale de Bujumbura, entre autres Mutakura, Cibitoke et Ngagara, qui est un programme et centrer autour de la cohésion sociale. Il va y avoir des formations sur la résolution pacifique des conflits, le leadership, et on fait des travaux de curage des caniveaux, la réflexion des routes, ce qui fait que les jeunes, au lieu de se rencontrer sur des ligalas, ils vont aller pour le travail, et entre eux, ils vont échanger des expériences, ils vont discuter sur ce qui les séparait pour en fait en transformer, en s'occuper, les rassembler. Et alors, dans nos principes, par rapport à notre situation, nous nous intéressons à la vie de notre pays, nous sommes de bons patriotes et bons citoyens, mais sans toutefois se mêler dans des situations de conflit par rapport à la politique. Donc, j'appelle toute la jeunesse en général et les scouts en particulier d'œuvrer pour une paix durable et de faire un choix judicieux chaque fois qu'ils se trouveront devant une situation confuse par rapport à la politique du pays. Magnus Maronda, c'est le commissaire général de l'association des scouts du Burundi dont les propos ont été recueillis par Francine Dirokubgaï. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale aux États-Unis d'Amérique, Donald Trump va rendre public un nouveau décret sur l'immigration cette semaine, un texte qui doit remplacer le précédent bloqué par la justice. Et en Somalie, on parle des immenses défis du nouveau président Farmajo, investi ce mercredi en Libye. Le Croissant Rouge libyen annonce que plus de 70 corps de migrants ont échoué sur une plage à l'ouest de Tripoli. Les détails avec Didier Nyonzim. En Libye, le Croissant Rouge libyen a annoncé mardi que les corps de migrants ont été découverts sur une plage à l'ouest de Tripoli. Selon la BBC sur son site web, des hommes et des femmes se sont noyés après le naufrage de leur embarcation. Selon le Croissant Rouge libyen, des habitants de la région ont découvert un bateau échoué sur la plage avec à l'intérieur plusieurs cadavres de migrants clandestins qui tentaient de rejoindre l'Europe. Depuis la chute de Muammar Kadhafi, la Libye est devenue un carrefour de l'immigration clandestine vers l'Europe. Une grande partie des migrants retrouvés morts étaient originaires d'Afrique subsaharienne. En Somalie, élu le 8 février dernier, le président Mohamed Abdullahi alias Farmajo sera investi ce mercredi 22 février à Mogadiscio. Farmajo sera le 9e président somalien depuis l'indépendance. Durant la campagne électorale, il avait promis de lutter contre la corruption et d'améliorer le quotidien des Somaliens, notamment les services de santé du pays. Mais la tâche qui l'attend est immense, écrit la RFI sur son site web. L'attentat de dimanche perpétré à Mogadiscio et qui a tué 39 personnes rappelle à tous que son principal objectif est de rétablir la sécurité. Le nouveau président somalien Mohamed Abdullahi alias Farmajo s'est donné 2 ans pour éradiquer les Shabab, le groupe terroriste qui mène la guerre aux autorités centrales depuis plus de 6 ans. Et enfin, aux États-Unis d'Amérique, le président Donald Trump doit rendre public cette semaine, peut-être ce 22 février, un nouveau décret sur l'immigration, un test qui doit remplacer le précédent bloqué par la justice. RFI sur son site web écrit que ce décret concerne l'interdiction d'entrer dans le pays pour les ressortissants de 7 pays à majorité musulmane. Les magistrats ont jugé le premier décret discriminatoire et dommageable pour la population des États-Unis qui ont porté l'affaire en justice. La Maison-Blanche assure que le décret en préparation répondra aux injonctions des juges. À la source, reportage. Le reportage de ce mercredi nous parle du commerce des termites qui se fait saisonnièrement dans la région naturelle de la Kumoso, c'est en province de Luyigi. C'est à l'est du Burundi. Ceux qui pratiquent ce commerce affirment qu'il est bénéfique, bien qu'il soit périodique. Certains préfèrent l'écouler au marché de Gitega. C'est au centre du Burundi où un gobelet peut coûter 1500 francs burundais. Notre reporter, c'est Aubin Nyonguru. Nous sommes sur la colline de Nyabigugu de la zone Ebisindu en commune et province de Luyigi. Tout près, une termitière. Elle est couverte par les feuilles de bananes sèches, une manière d'empêcher les termites de s'envoler lorsqu'ils apparaissent. Claver Nyandui explique comment les termitières sont protégées. Quand il y a des signes que les termites vont apparaître, on cherche de petits arbres qu'on utilise pour protéger les termitières. Puis on couvre la termitière des herbes et on creuse un trou où les termites rentrent dedans pour les empêcher de s'envoler. Une fois capturées, les ailes sont enlevées avant la cuisson. Aussitôt prises à être consommées, certains sont gardés, d'autres écoulés sur le marché. Un gobelet peut être vendu à plus de 1000 francs burundais. À leur première apparition, nous vendons un gobelet à 1200 ou 1400 francs pour les termites encore vivants. Lorsqu'ils sont cuits, on les vend à 1800 francs. Voire même 2000 francs. Une termitière peut donner environ 70 gobelets. Après la cuisson, on peut même ajouter les tomates et en faire une sauce. On peut les conserver et en consommer petit à petit. Nous les consommons avec la pâte. C'est comme la viande pour nous. Dismas Ndagijumana de la zone Rugongo en commune Butaganzwa n'a pas de termitière dans ses champs. Il est obligé de les louer chez ses voisins. Moi, je n'ai pas de termitière, mais je peux les louer chez les voisins à 1000 francs ou 1500 francs. Ça dépend de sa capacité de production. Soit on les écoule au marché de Luyigi, ou lorsqu'ils sont nombreux, on les transporte à Gitega ou en gobelet et vendu à 1500 francs. À cause de l'importance attachée à ce commerce, certains proviennent des autres localités pour venir s'en approvisionner à Bisindé, où ils sont nombreux, poursuit Dismas Ndagijumana. Il y a des gens qui proviennent des autres endroits, comme par exemple à Gisuru, pour venir s'en approvisionner ici. À leur tour, on les vend d'ailleurs. Certains ont déjà acheté des champs ou des vaches avec de l'argent tiré dans ce commerce. L'un des défis de ce commerce est qu'il est périodique. Les termites apparaissent une ou deux fois l'année. Généralement, ils apparaissent au mois de novembre ou vers la fin du mois de décembre. Merci à Ben Yongru pour ce reportage. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Aimé Toussaint Mitebouti qui a assuré la mise en onde. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.